Voilà, c'est l'intempestive. Une émission spéciale aujourd'hui dans l'intempestive, puisqu'elle n'a été produite ni sur Radio Galère, ni sur Fréquence Paris Pluriel, mais sur Radio Escapade, qui est une radio associative non commerciale naturellement, dans les Cévennes, plus particulièrement à Saint-Hippolyte-du-Fort. Saint-Hippolyte-du-Fort, c'est à quelques kilomètres de Monoblet, un village dans lequel Fernand Deligny et ses compagnons ont mené une tentative, comme ils l'appelaient, avec des enfants autistes, devenus adultes depuis. C'est donc une émission en forme de prélude à un long documentaire qui est en cours de préparation et qui devrait voir le jour à l'automne, à propos de ce qui s'est mené là-bas, de ce qui s'est inventé, de l'autisme, du rapport au langage et à l'image. L'émission d'aujourd'hui est donc une présentation de la figure de Fernand Deligny et plus particulièrement de la pratique cinématographique qui s'est développée lors de cette tentative. Incurable, insupportable, invivable, incurable. Invivable alors, la société a tout prévu, et même des lieux où invivre le soit prévu. Et il se trouve que ce lieu-là prévu pour, je le connais. Les murs sont des murs, les toits sont des toits, des arbres il y en a, et les fenêtres ne sont pas tout à fait des vraies fenêtres. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, pas de bon. Du fer enrobé dans le bois, la grille ne s'y voit pas. Alors, que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres? Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir? Que le temps qui passe? Et le temps, ça ne se voit pas. Il est atteint, cet enfant-là, d'autisme infantile précoce. Alors, son isolement est extrême, dit la psychiatrie. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Le symptôme est flagrant. Et puisque c'est d'immuables qu'il a besoin, il en aura tout son sou, de l'immobile et du réitéré et du toujours pareil. Cette photo, cette image a été prise ici. Loin de ces lieux prévus exprès tout à fait pour. Très loin, à l'autre pôle. C'est à l'autre pôle que nous sommes. Et nous venions d'y arriver avec ce gamin-là à la clé de nos existences. Ce qu'il tient dans sa main, ce qu'il contemple, c'est une petite boule d'argile accrochée à une ficelle. L'un d'entre nous avait dû la rouler entre ses pommes et l'accrocher là, à une branche. Et le tour était joué. Il allait nous le faire voir, ce gamin-là, que la terre ne tournait peut-être pas dans le bon sens. Ce gamin-là, né avec une incapacité innée d'établir la relation à l'autre, et souffrant d'un besoin impérieux, d'immuable. Et cet autre pôle dont vient de parler Fernand Deligny, puisque c'est de Fernand Deligny qu'il s'agit, c'est celui du lieu d'accueil du Monoblet, dont on va parler dans cette émission, et où on va évoquer également plus généralement la figure de Fernand Deligny, avec Jacqueline, Sandra Alvarez et Michel Van Looyen. Je vais vous laisser vous présenter. Je dis juste en introduction que cette émission, on l'a fait sur Radio Escapade parce que vendredi prochain, le 30 avril, il y a une projection du film dont est extrait le petit son que vous venez d'entendre, ce gamin-là. Ça se passera à la cantine de Monoblet à 20h. On en parlera plus longuement, plus précisément en fin d'émission. Et maintenant, je vais vous laisser vous présenter, Jacques. Qui es-tu, Jacques? Ouh là là. On commence bien. Mais je, quand j'entends Deligny dans le film, évidemment, ça ne me rajeunit pas, puisque j'y étais là, il y a plus de 35 ans dans cette histoire. Et, Mais j'essaye de perdurer à Monoblet avec ma compagne Gisèle et quelques gaillards ou quelques filles autistes dont certains vivent toujours avec nous et étaient déjà avec nous dans le film Sogamada en 70. Et je vais donc passer la parole à Sandra. Tu n'as pas tout dit, Jacques, de ce que tu fais là en ce moment. Donc, moi, je suis éditrice. On a fondé une petite maison d'édition il y a maintenant 5 ans qui s'appelle L'Arachnéen. L'Arachnéen, en fait, c'est le titre d'un essai de Deligny. Deligny a une longue histoire avec les araignées. Et donc, avec cette petite maison d'édition, on a publié quelque chose comme ses œuvres complètes, qui ne sont pas tout à fait complètes, un gros volume, hein, qui sont ses œuvres, qui sont parues en 2007. On a rassemblé l'essentiel de son œuvre. Ensuite, on a publié un autre petit volume qui s'appelle L'Arachnéen et autres textes. Et depuis, nous continuons avec d'autres auteurs. Et Michel Van Looyen ? Alors moi, je suis là parce que je fais partie d'un petit groupe de 5 personnes qui ont relancé le cinéma à Monoblet, sous la forme de Ciné Monoblet, avec une projection mensuelle, et qu'on a pris l'initiative de demander à Jacques, à Sandra et à d'autres d'être là vendredi pour revoir ce gamin-là, pour ma part revoir, mais pour beaucoup de gens découvrir, parce que c'est un film rare, comme la plupart des films qu'on présente depuis 2 ans. Voilà. Et découvrir aussi Fernand Deligny, parce que s'il a été à une époque extrêmement connu, extrêmement présent dans les débats de l'époque, malheureusement aujourd'hui, il est un petit peu moins. Et c'est aussi l'idée de cette émission que de rappeler la figure de Fernand Deligny. Donc je vais me tourner vers toi, Sandra, puisque tu as fait un énorme travail de recherche pour ce bouquin qui est paru aux éditions de l'Arachnée en 2007, sur le parcours de Deligny, et puis ça a réuni quasiment l'ensemble de ses textes, comme tu as dit. On y reviendra peut-être plus tard, mais en premier lieu, qui était ce bonhomme Deligny ? Il est né en 1913. Il est né en 1913, donc il est né à Bergues, dans le Nord, qui est une ville qui s'est rendue célèbre pour de plus ou moins bonnes raisons récemment. Et il est mort à Graniès, dans le hameau de Graniès, où il a donc passé 30 ans avec Jacques, Gisèle et des enfants autistes dans les Cévennes. Deligny est par définition quelqu'un de difficile à définir parce qu'il a travaillé toute sa vie à se dédéfinir. C'est un homme du Nord, je crois que c'est important. En réécoutant cet extrait de ce gamin-là, j'étais frappée parce qu'il dit à un moment donné, il y a un mot, non, j'ai oublié lequel c'était d'ailleurs, qui dit avec l'accent du Midi, je ne sais plus lequel, enfin peu importe, mais en tout cas, bon, c'est un homme du Nord et son parcours est grosso modo, disons, divisé en 2 grandes périodes. Hein. Si on a fait ce livre, c'est pour essayer d'éviter cette division, mais enfin, elle existe un petit peu dans un premier temps. Donc, il a, sans aucune espèce de diplôme ou quasiment, il a été instituteur dans ce qu'on appelait à l'époque les classes spéciales. Là, on est en 37-38 à Paris et dans la banlieue parisienne pour les enfants inadaptés. À l'époque, il y avait toute une nomenclature comme ça très compliquée. Et ensuite, il est retourné dans le Nord à Armentières, à l'hôpital psychiatrique d'Armentières, qui était une de ces grandes machines psychiatriques et carcérales. Et là, il a été à la fois instituteur encore, et puis ensuite, pendant la guerre elle-même, il a été éducateur, voilà, occupé d'adolescents. Il a mis en place des méthodes pédagogiques qui étaient extrêmement innovantes pour l'époque, et d'ailleurs extrêmement innovante pour aujourd'hui, où on est dans une période de recul total à tous les niveaux, enfin, au niveau psychiatrique aussi bien qu'au niveau éducatif, quoi. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ces questions tu évoques dans la biographie qui est dans les annexes en fait, de ce gros bouquin, les méthodes de la pédagogie active. Et je pense que ça cadre bien, en fait, quel type d'idées se faisait Deligny de l'enseignement ou du rôle d'un instituteur. À vrai dire, je crois qu'il s'en faisait aucune idée. En tout cas, il a beaucoup dit qu'il ne s'en faisait aucune idée, qu'il ne voulait pas s'en faire une idée. Il avait le mot principal pour lui, c'était le mot de circonstance. Il disait « un éducateur est un créateur de circonstances ». Donc au fond, toute sa vie, quand il a commencé à Armentières, bon, il a supprimé les sanctions. Il a organisé des sorties, par exemple, chose qui ne se faisait pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle il a d'ailleurs été renvoyé de l'asile. Il a improvisé des ateliers avec les gardiens qui sont devenus, au fond de ce fait, des éducateurs. Donc il a inventé des tas de nouvelles situations. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup dit qu'il n'avait pas de méthode, qui n'était affilié à pas grand-chose. Et au fond, c'était vrai, parce qu'à l'époque, par exemple, des choses du même ordre se déroulaient à l'hôpital psychiatrique en Lozère de Saint-Alban, où travaillait quelqu'un d'extrêmement important et intéressant qui s'appelait François Toscaïès, mais qui était psychiatre. Deligny n'était pas psychiatre, hein, il faut bien dire ça, il n'a jamais été psychiatre. Et donc, il ne savait pas ce qui se passait au même moment, mais il agissait un peu dans le même sens. Et puis ensuite, il y a eu la guerre. Au moment de la guerre, il était à Lille, il a fondé les premiers foyers de prévention de la délinquance. Et puis il a ouvert le premier centre d'observation et de triage en 1945. Mais tout ça, effectivement, selon des, pour pas dire méthodes, selon des réflexes, disons, d'ouverture, de toujours selon un système de réseau et de circulation et d'ouverture, plutôt que de créer, évidemment, des centres fermés, de travailler avec des spécialistes. Ça, c'est vachement important. Il a toujours refusé, et ça, Jacques pourra en parler, de travailler avec des... On commençait à l'époque à former des éducateurs. Il a toujours refusé de travailler avec des éducateurs patentés. Il avait de bonnes raisons pour le faire. Je ne veux pas parler trop longtemps. Donc voilà pour cette période-là. Et ensuite, il a fondé en 1947 à Paris la Grande Cordée, avec des membres du Parti communiste essentiellement, et en s'appuyant sur des réseaux d'éducation populaire. Et là, l'idée était donc de recevoir des jeunes gens qui étaient un mélange de caractériels, psychotiques. Tout ça était pas très, très clair et organisé. Et de leur trouver des familles d'accueil ou des lieux d'apprentissage un peu dans toute la France. Donc selon le même système du réseau, les envoyer là-bas pour qu'ils se déplacent de leur milieu d'origine. Le mot de milieu est aussi un mot très important pour lui. Donc il y avait une série de stages qui étaient organisés. Enfin, le gamin décidait un petit peu d'un projet et était envoyé sur différents lieux en fonction du projet qu'il avait déterminé. Voilà. C'était très informel en réalité. C'est-à-dire que, il y a une part de légende, mais grosso modo, la personne, le jeune homme ou la jeune femme, ou surtout, c'était surtout des jeunes gens, disaient moi j'aimerais bien être aviateur. Et puis Deligny avait une fiche avec tous ses. Il avait des fiches, une boîte de fiches avec tous ses. Par exemple, un aviateur, qui était à Toulouse, et il dit tu peux aller à Toulouse, vas-y. Puis 15 jours après, le gars revenait, disait aviateur, ça me plaît pas, je voudrais faire autre chose. Alors il regardait ses fiches. Tout ça était en réalité, au fond, beaucoup plus sérieux que ça. Mais il y avait un tout petit peu cet esprit-là, quand même, cet esprit libertaire-là, voilà. Et qui se retrouvait dans ce que tu as évoqué, le fait qu'il ne travaillait pas avec des professionnels. Et d'ailleurs, on en parlera davantage avec Jacques tout à l'heure. Mais notamment les personnes qui animaient les différents centres, lieux de vie auxquels Deligny participait. C'était des personnes qui émanaient du monde syndical, du milieu ouvrier. C'était des prostituées, c'était des gens qui avaient fait de la prison également. Et pour Deligny, c'était extrêmement important ce côté-là. Des personnes qui n'arrivaient pas avec des idées préconçues de l'enfance ou de la délinquance ou de problèmes de handicap mentaux, mais qui étaient chargées d'une vraie expérience de vie, quoi. Oui, ça c'est important. Mais je voudrais juste insister une chose, parce que je crois qu'il ne faut pas romantiser non plus Deligny. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les vagabonds efficaces ». C'est une sorte d'oxymore, cette formule, mais le mot « d'efficace » est au moins aussi important que « vagabond ». C'est-à-dire que par les vagabonds efficaces, il désignait non pas les enfants ou les adolescents, mais les gens qui vivaient ou qui s'en occupaient. Et donc l'efficacité était une chose, Jacques pour en parler, essentielle pour lui. Et autant il considérait que prendre en charge des jeunes gens, c'était une affaire concrète. Il était très contre l'abstraction de la justice, contre l'abstraction de la théorie, etc. Mais néanmoins, il n'avait pas comme principe comme ça qu'il fallait que ce soit des marginaux à tout prix, etc. C'était pas ça. C'était en vertu d'un certain nombre d'idées et de possibilités pratiques. Voilà, je dirais. Et aussi, l'idée surtout essentielle, que les gens qui s'occupaient des gamins soient du même milieu social qu'eux. Et ça, c'est ce que disait aussi Toscaïès. En général, les psychiatres, du moins à l'époque, c'est des bourgeois. Et donc, la folie, ça leur fait peur. Et donc, c'est plus compliqué. Voilà. Et c'était accepté, ce genre de démarche. C'était bien perçu par... visiblement, c'était du moins... autorisé. Aujourd'hui, on peut se poser la question si ça le serait. Mais comment est-ce que c'était perçu, en fait, par l'institution à l'époque ? Ben, là, il y a un paradoxe assez curieux. Mais il faudrait parler très, très longuement de cette période de 13 ans. L'après-guerre, oui. Même de pendant la guerre, cette période ambivalente, au fond, il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Chauvière qui a écrit un livre qui est très important qui s'appelle « L'enfance inadaptée, héritage de Vichy », dans lequel il montre que ce soit pour famille, patrie, etc., pour l'idéologie pétainiste, etc., mais il y a un certain nombre de structures qui se sont mises en place au moment de la guerre, pendant la guerre, qui ont conduit aux ordonnances de 1945, qui quand même mettaient l'éducation en avant par rapport à la répression. Deligny fait partie de ce maillage-là. Il est resté en dehors, mais il fait partie de ça. Donc on est venu le chercher. Alors c'était à la fois un libertaire, etc., mais si on est venu le chercher... si l'administration de Vichy, au fond, est venue le chercher pour lui confier la responsabilité de ces foyers de prévention de la délinquance, c'est parce qu'il était aussi, on avait reconnu son efficacité. Et vers la même période, dans l'immédiate après-guerre, Deligny amorce un travail autour de la caméra, quoi, avec les films, et il fait notamment des rencontres assez cruciales, notamment de Chris Marker et André Bazin. Donc Chris Marker qui est un cinéaste, André Bazin qui était au cahier du cinéma. Et ça, c'est l'amorce d'un très long travail sur l'image. On y reviendra, mais est-ce que tu pourrais en parler déjà un petit peu ? Ah, ça, c'est très, très intéressant parce qu'il a fait une chose... Il a fait une chose incroyable. Il a eu l'idée qui était impraticable complètement à l'époque pour des raisons techniques, mais la grande cordée, donc j'ai évoqué un peu le dessin, cette idée de réseau, et bon, son idée c'était qu'on pourrait confier à chacun des jeunes gens en séjour d'essai, puisque ça s'appelait comme ça, une caméra, et que chacun filme à l'endroit où il était ce nouveau contexte de vie, ce nouveau milieu. Et ensuite, tous ces petits bouts de films seraient montés et ça ferait ce qu'il appelait la conscience collective de la grande cordée. Bon. Et par ailleurs, il avait aussi l'idée de leur donner une caméra dans le Vercors, parce qu'ils sont allés dans le Vercors à un moment donné, pour faire des entretiens avec des anciens du maquis, etc. Et c'était une idée, mais ça serait une idée praticable aujourd'hui avec des caméras légères. Mais évidemment, ça ne l'était pas. Et Chris Marker s'est énormément intéressé à ça à l'époque. Séquence de ligne A1, première. Parlez. Parlez. Parlez comme si c'était tout naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons... tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Mutique, ce gamin-là, alors, à quoi se fie ? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut, le langage. Et c'était un nouvel extrait de Ce gamin-là, un film de Fernand Deligny que vous pourrez voir vendredi prochain à Ciné Monoblet, à la cantine du Monoblet, puisqu'on est en train de faire sur Radio Escapade une émission autour de la figure de Fernand Deligny et notamment de l'expérience du Monoblet. Alors c'est dommage, vous n'étiez pas en studio, ils sont très insolents en studio quand ils écoutent les extraits de Deligny, c'est assez drôle. Ça permet effectivement de ne pas romantiser excessivement la figure de Fernand Deligny. On va passer, Jacques, on a évoqué juste avant cet extrait, on a évoqué toute la première période de Deligny, où il s'est davantage occupé d'enfants arriérés, d'enfants délinquants, puisque c'était des enfants qui étaient généralement mis dans le même type de structure. Et ensuite, son attention s'est portée plus précisément sur les enfants autistes. Enfin, il y a été amené doucement. Est-ce que tu pourrais parler de, justement, peut-être de l'expérience, de la board, le moment où il est arrivé à la board, donc hein, au lieu de la psychothérapie institutionnelle. Et puis, bon, après, je te demanderai aussi de définir peut-être un petit peu ce que c'est l'autisme pour les personnes qui ne connaissent pas. Vaste sujet. Mais voilà, est-ce que tu... Donc, Deligny, après avoir été au centre... Après avoir fait plutôt la grande cordée, Il arrive dans ce lieu qui est tenu à ce moment-là par Jean Houry et où circule aussi pas mal quelqu'un comme Félix Guattari qui est la borde. Et ça va amorcer bientôt le lieu d'accueil au Monoblet. Oui et non. Enfin, bon, c'est, de toute façon, le trajet de Deligny, il est plutôt en zigzag. Juste avant la borde, il y a ce film Le moindre geste qui se fait et il se tourne. Et pendant 3 ans, ils vivent à quelques-uns avec Yves, qui est le personnage donc de cet autre film, pas celui qui va passer ce soir, de vendredi. Mais... Et puis, il est un petit peu, au bout de 3 ans, disons que la petite équipe s'essouffle, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, et passe le voir. Deligny est déjà dans les Cévennes, hein, c'est près d'Anduze. On a parlé tout à l'heure, c'est vrai que Deligny est du Nord, mais sa vie active, il en a passé au moins la moitié dans les Cévennes, hein, que ce soit Toiras, Anduze, Monoblet. Donc passe le voir Jean Houry, qui quand même s'aperçoit un peu la situation, financière au moins, et lui propose de venir à la borde. Hein. Donc Deligny, qui à ce moment-là n'a pas de projet bien précis, va à la borde, mais il va à la borde avec la plupart de ceux qui étaient déjà avec lui, parce que ça aussi, il faut le rappeler, toutes les démarches que Deligny a menées, bien sûr, c'est Deligny qui en est l'initiateur, mais ça s'appuie quand même toujours sur quelques personnes, hein, une petite équipe, un petit réseau. Et à ce moment-là, ils sont 3, 4 qui sont là, dont Yves, qui est le personnage du film Le Moindre Geste. Et il se retrouve à la borde. Et Deligny, donc, mène un peu en marge de la borde, on peut dire une petite tentative dans la borde, puisqu'il est, il est dans la borde, hein, clinique psychiatrique, donc oui, menée par Louis Houry, Félix Guattari et quelques-uns d'autres. Et ça dure 2 ou 3 ans, et c'est vrai que c'est vers la... Moi, je l'ai connu vers la fin de cette période, pas tout à fait par hasard, hein, je travaillais à l'usine, et donc par l'intermédiaire d'autres personnes qui connaissaient la borde et tout ça, je le rencontre. Et c'est à ce moment-là que ce gamin, Jean-Marie, hein, puisque ce gamin-là, en plus, c'est un peu Jean-Marie qui a été la boussole... Jean-Marie, gamin autiste, vraiment autiste, mutique, qui a été la boussole de la démarche pendant fort longtemps, qui serait encore avec nous s'il n'était pas décédé il y a quelques années, mais il est donc resté plus de 35 ans avec nous. Et c'est tout à fait par hasard que Jean-Marie arrive, c'était sa logeuse, là où il habitait, là-bas en Sologne, qui connaissait Jean-Marie, et c'est sa mère qui ne savait pas trop quoi en faire. Il l'avait amené à la Salpêtrière, on avait parlé de lobotomie, enfin c'était quand même assez grave. Et justement, Deligny venait de lire le rapport d'Itard, ce livre écrit en 1800 et quelques là, par ce docteur Itard qui s'occupait d'enfants sourds. Et à cette époque-là, on avait trouvé un enfant dit sauvage dans l'Aveyron. Il avait été nommé Victor, on l'appelait Victor de l'Aveyron. C'est rigolo, il y a Victor et puis il y a Renaud Victor, mais bon. Et Deligny propose, qui n'avait pas vraiment de projet ni d'idée autour, à partir de ce gamin autiste. Mais donc il reçoit plus par politesse la mère de Jean-Marie. Et voilà que la mère de Jean-Marie raconte à Deligny, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça, enfin donc, raconte hein, comment il est. Et c'est quasiment mot pour mot, pour ce qui concerne les descriptions des attitudes de cet enfant sauvage de l'Aveyron, c'est quasiment le même, quoi. C'est les mêmes comportements, c'est les mêmes... Je parle de ça parce qu'en même temps, il y a, dans ces années-là, il y a, en même temps, il y a Truffaut qui veut faire et qui a fini par faire un film qui s'appelle L'Enfant Sauvage. Et donc, on pourrait, je le dis juste, en, je ne sais pas si on en reparlera, mais bon, Truffaut, Deligny, il y a eu quand même des croisements à une certaine époque. Et Truffaut qui contacte Deligny, qui dit, bah, parce que Deligny écrivait des articles, donc avait donc relaté cette similitude, si on peut dire, entre Jean-Marie qui n'était pas du tout sauvage, qui était autiste dans une famille de maçons de Châteauroux, et cet enfant sauvage. Et Truffaut voulait que, ben, que ce soit Jean-Marie qui joue le rôle de l'enfant sauvage dans le film, quoi. Bon, il est impensable qu'un gamin autiste puisse tourner, supporter... ce qu'un tournage de cinéma demande. Mais par contre, on a proposé à Truffaut que quelqu'un vienne avec une caméra qui filme Jean-Marie comme ça, dans ses allures, dans ses comportements. Et le jeune qui joue l'enfant sauvage, c'est donc inspiré des attitudes et des manières de faire de Jean-Marie. Voilà. Il y a eu d'abord Jean-Marie, qui est venu avec nous. Nous, c'était déjà... J'aime bien quand même parler de nous, parce que... Je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était aussi déjà une petite équipe qui s'était... Même le mot équipe, tout ça, c'est des mots qu'on a... J'ai du mal à dire. C'est pour ça que Deligny souvent proposait d'autres mots. Il parlait de réseau. Hein. Et c'est vrai qu'on était 5, 6. Puis un peu plus tard, on a été plus nombreux. Puis après, ça, c'est de nouveau... Le nombre s'est résorbé, mais on était dans plusieurs lieux, hein, dans deux ou trois lieux, ou quatre lieux, ça dépendait des moments. Et bien sûr, ça s'est vite su dans ces années, début des années 70. Hein, on commence en 67. Hein, j'aime bien dire 67 parce que c'est l'année d'avant 68. Mais, donc on démarre en 67. Et dans très vite, puisque quand même Deligny bah écrit, il y a des articles, et ça se sait que Deligny n'est pas mort, parce que c'est vrai qu'il avait plutôt un mode de vie en dents de scie. À certains moments, on parlait de lui, puis après, on parlait plus de lui, puis après, de nouveau, on parlait de lui. Et donc, des gens, pour citer des noms connus, mais il y en avait d'autres, des Dolto, Manoni ou autres... s'aperçoivent que Deligny est toujours là, qui s'occupe entre guillemets d'enfants autistes, et donc c'est eux les premiers qui envoient des gamins en séjour dans les Cévennes. Faut m'aider là à redémarrer, hein, parce que... Toi à l'époque quand même t'étais un jeune électricien de 19 ans sans plus d'expérience que n'importe qui d'autre avec des enfants autistes. Et tu te retrouves à faire du campement avec quelques gamins autistes. Oui, les uns et les autres. D'ailleurs, pour revenir d'ailleurs, puisque le sujet c'est le film Ce gamin-là, et c'est vrai que quand le film Ce gamin-là, j'esquive pas, hein, mais. J'esquive. J'aime pas. C'était le sport favori. Voilà, c'est son sport favori, mais c'est. Moi j'ai un truc à dire après. À un moment, le film, c'est vrai que ce film s'est fait pendant 3 ans, hein, donc il a balbutié, il y a des moments on ne savait plus trop dans quel sens le tout... Bon, c'est parce que Renaud Victor était tenace, hein, qu'il avait envie que ce film se fasse, mais c'est vrai qu'il y avait aussi en même temps cette démarche de vivre avec des gamins autistes, qui était quand même très prenant, et à un moment dans le film... Deligny s'était dit avec Renaud, ben, ça serait bien quand même de présenter les uns et les autres, les tenants des lieux, hein, et d'essayer de les présenter. Alors là, on nous voit sur des murettes à camper ou dans des recoins de magnanerie des Cévennes. Mais l'idée, ça avait été de nous présenter là où on aurait dû être. Hein. Donc, pour ce qui concerne Gisèle ou sa sœur, fille de maçon de Saint-Jean-du-Gard. ce qu'elles, du moins leur famille, ce que leur famille aurait espéré de mieux, c'est qu'elles se retrouvent soit dans la poste, hein, à la poste ou dans un bureau. Pour eux, c'était l'idéal, quoi. Guy Aubert et sa femme, Guy était paysan de l'Allier et avait suivi Deligny, et moi, j'aurais dû continuer à travailler à l'usine, quoi. Voilà. Je vais passer la... Vas-y, non, Sandra. C'est juste parce que tout à l'heure, je t'ai entendu dire quelque chose qui est pour nous, entre guillemets, va de soi. Tu dis s'occuper d'eux, entre guillemets. Alors, il faudrait peut-être expliquer cette entre guillemets qui est liée à ce que tu viens de dire. Au fond, comment dire? Bon, ensuite, il faudra vraiment parler de ligne écrivain, parce que j'ai réalisé que... Enfin, c'est vraiment... Au fond, c'est l'essentiel. Et je pense que s'il avait voulu qu'on parle de lui d'une certaine façon, c'est comme écrivain et comme poète. Bon. Parce que quand même, ce qu'il a fait, c'est systématiquement, en parallèle, il a eu deux vies parallèles, vraiment, en parallèle de chacune de ses tentatives, ce qu'il appelle ses tentatives, donc pour ne pas parler de projet, pour ne pas parler de... je ne sais quoi, d'œuvre, d'entreprise, hein, bon, c'était de les transcrire, enfin, c'était de les écrire, c'était de leur donner une forme littéraire. Lesquelles formes ont varié infiniment, puisqu'il a écrit des essais, des scénarios, des pièces de théâtre, de la poésie en prose, des contes, enfin bon, voilà. Mais pour revenir à cette histoire de s'occuper d'eux, justement, toute l'idée très, très, très, très forte... Enfin, toute la... C'est quasiment une... Enfin, c'est vraiment une pensée du monde, une pensée de Deligny, consiste en quelque sorte à inverser le point de vue. Au lieu de s'occuper d'eux, suppose un point de vue... comment dire, les mots sont délicats, et lui, il a pris beaucoup de précautions avec les mots, en plus. Bon, suppose de se pencher sur un enfant, de se pencher sur son cas... Il était, Jean Houry disait de lui qu'il était maladivement opposé à l'idée de cas, hein, que les enfants soient un cas. Donc, les enfants autistes soient un cas. Donc, lui, il a fait l'inverse. Ce qu'il a fait avec Jean-Marie, c'est de dire, bon, prenons cet enfant, on ne va pas s'en occuper, c'est lui qui va s'occuper de nous, en quelque sorte. C'est-à-dire, cet enfant, en tant qu'autiste, n'a pas de langage. Donc, qu'est-ce qu'il advient de son rapport à l'espace, de son rapport au temps, de son rapport aux autres, aux choses, etc. C'est très intéressant, pense Deligny. C'est extrêmement intéressant, tout ça. C'est un renversement copernicien de plus. Alors, bon, pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas les choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de considérer tout ça? Voilà. Donc, s'occuper d'eux, pas question, quoi. Voilà. Parce que le Monoblet, il y avait eu un article de Luma qui avait été titré comme ça à l'époque, « Le droit au silence ». C'est-à-dire que hors du Célibé, pardon. C'est-à-dire que c'était la reconnaissance que la reconnaissance ou la revendication, je ne sais pas comment le dire, que hors du langage, il y avait un droit à exister pleinement de manière pacifiée, alors que les circonstances, disons, de la vie quotidienne, urbaine ou rurale, mais de la vie sociale habituelle, faisaient violence à ces enfants. Et au Monoblet, l'idée était de créer un environnement qui ne fasse pas violence. Et donc de ce qui était aussi bien un apprentissage énorme pour un gars comme toi, Jacques, à l'époque, pour tes deux frangins qui étaient plus jeunes que toi, pour toutes les personnes qui arrivaient là, justement... sans dossier, puisque Deligny ne vous transmettait surtout pas les dossiers, entre guillemets, psychiatriques, éducatifs ou je ne sais quoi, des gamins. Comment ça s'est... est-ce que tu peux nous parler de ça, quoi? Comment ça s'est passé? D'abord, on était... oui, quand on parle de s'occuper, on était d'abord préoccupés à vivre. On a quand même vécu pendant fort longtemps dans des conditions assez précaires où il fallait aller chercher de l'eau à la rivière, couper du bois pour se chauffer. On n'avait pas grand, il n'y avait pas d'argent, on n'avait aucun revenu. Donc ça prend du temps, ça. Hein. Ça permet de penser à autre chose et de se préoccuper d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on laissait complètement de côté les gamins qu'on accueillait. Mais nos préoccupations étaient ailleurs que de... Et puis, pourquoi vouloir... Là, on est dans une époque, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, où il faut quasiment... semblabiliser tout le monde, où il faut... moi, je pense qu'il faut respecter la spécificité des autistes, là comme ils sont. Moi, ça me... Bon, de manière... Évidemment, il faut que ce soit bien, que ce soit tranquille, que tout se passe bien. C'est sûr que de temps en temps, quand ça ne va pas, on essaye de parer au malaise ou au mal-vivre qu'ils peuvent avoir. Mais quand on arrive à maintenir un lieu, un quotidien paisible, ils sont paisibles, quoi. Et je ne vois pas pourquoi on voudrait les semblabiliser à tout prix, quoi, ou les sociabiliser, quoi. On est toujours en train de nous rebattre les oreilles avec la sociabilisation. Mais on était déjà, nous, des asociaux, mais un petit peu, quoi. Alors donc, on pouvait trouver un terrain commun, quoi. Il n'y avait pas... On n'avait rien à leur vendre. Il faut aussi dire une chose, quand même, c'est que... Parce que c'est très délicat, tout ça. Il y a eu des projections... c'est une chose qu'on m'a racontée, que je n'ai pas vécue, mais il y a eu des projections de ce gamin-là, où les gens qui le présentaient, peut-être Bertrand Gilvy, enfin j'en sais rien, je sais pas, se sont fait traiter de tous les noms et de plus que ça, en disant mais qu'est-ce que, en particulier par des parents d'autistes, c'est un camp. On a parlé de l'organisation du réseau comme d'un camp, parce que récemment, je veux dire, hein, qu'est-ce que c'est que cet endroit où on s'occupe pas des enfants, où on les laisse crever, où on les laisse, dans le film par exemple, bon. On voit à un moment donné, il y a une gamine qui a un couteau ou une scie ou un truc comme ça. Elle joue avec ça entre les dents. Et c'est pas toi, Jacques, qui est à côté, c'est Robert Cassin. Je crois, c'est Robert. Vous confondez toujours dans le film. Et celui qui est à côté, il continue son truc tranquille. Il y a un extraordinaire moment où ce qui n'est pas dit là entre les deux est vraiment extraordinaire. Enfin, on pourra en parler longtemps parce que c'est quelque chose, selon moi. Et c'est iconoclaste de dire ça à voir avec la psychanalyse, parce que c'est une espèce de forme de transfert bizarre. Enfin, il y a cet enfant qui joue, qui vibre au geste que fait l'adulte qui est à côté, qui est en train de couper du bois. Et, enfin, il y a une rencontre qui se... Aujourd'hui, c'est un truc impensable. C'est complètement impensable. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que cette expérience du réseau, ça avait un caractère expérimental. Parce qu'on a le droit de se demander, bon, les enfants, que sont-ils devenus après ? Deligny se plaignait beaucoup parce que très souvent, on envoyait les enfants pendant l'été. Parce qu'à l'époque, il y avait des structures, mais les structures en étaient fermées. Donc les enfants autistes, ben, on ne savait pas qu'en faire. Donc il disait, mais nous, on n'est pas le club méditerranéen. Les enfants, on veut les garder après, etc. Bon. Mais c'était très clair dans l'esprit de Deligny que, comment dire, les enfants venaient. Moi, j'ai rencontré beaucoup de parents d'enfants autistes qui sont passés par le réseau, dont certains sont des gens vraiment admirables. Et tout le monde a dit que les enfants revenaient de là apaisé, ce qui est un truc énorme, bon, vraiment apaisé. Mais ils n'étaient pas là pour être soignés, c'était clair. Ils étaient très très clairs là-dessus. Ah bah oui. Et Deligny, et Jacques, et tout le monde. Hein. Donc c'était, il faut le dire, je crois, ça. Hein, puisque c'est pas, Deligny ne s'est jamais associé à l'antipsychiatrie. Faire attention, il faut être... la question de l'institution, il ne faut pas le mettre trop rapidement dans des cases comme ça, anti-institutionnelles, marginales. C'est plus compliqué que ça. Parce que le réseau, c'était une micro-institution, au fond, il le disait lui-même. Tout ce que je peux dire, ce que je dois dire, c'est que nous n'avons pas du tout cherché à savoir ce qu'ils avaient, de quoi ils étaient atteints. Nous nous sommes mis à la recherche de ce qui pouvait bien nous manquer, nous faire défaut, et gravement, pour que ce nous-là, de personnes conjuguées, soit à leurs yeux inexistant. C'était un extrait de nouveau de Ce gamin-là, un film de Renaud Victor avec Fernand Deligny, qui va passer vendredi prochain au Ciné Monoblet, dont on va bientôt parler. On est en studio à Radio Escapade avec Jacqueline, Sandra Alvarez et Michel Van Looyen. On est en train de parler de la figure de Fernand Deligny, notamment du rapport à l'image et de l'expérience du Monoblet qui existe toujours, puisqu'il y a toujours ce lieu d'accueil pour les autistes. Jacques, tu évoquais la manière dont ça se passait, dont s'était organisé le Monoblet. Est-ce qu'on pourrait évoquer justement, en arriver en fait à parler de cette question du film, de la place de l'image et du film dans toute cette tentative, et notamment peut-être avant d'aborder la question avant d'aborder le film Ce gamin-là, de parler de l'usage des caméras Super 8 qui étaient faits. Oui, ça remonte tout au début de la démarche. C'était surtout à la suite de... Il faut imaginer, les parents nous confiaient leurs gamins et ils n'allaient jamais dans les lieux où étaient accueillis les enfants. Bon. Donc, Deligny avait proposé, on avait une caméra Super 8, il avait proposé aux parents de nous donner des cassettes, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter, on risquait pas d'avoir les moyens d'acheter des cassettes de Super 8. On leur disait, écoutez, donnez-nous des cassettes, et les uns et les autres tenant des lieux filmeront, tourneront de la vie du lieu où est votre enfant. Donc comme ça, on leur donnait les cassettes, ils faisaient développer, Alors, on était bien placé pour, on était tranquille pour filmer puisque on ne savait rien du gamin. Les parents voyaient Deligny. Il faut se dire que les lieux du réseau étaient éloignés de 5, 10, 15 kilomètres. C'était pas exprès qu'on était à 10 ou 15 kilomètres. C'est des lieux, c'est là où on avait pu se mettre. Hein. C'était pas une volonté d'être très éloigné, c'est parce que c'était pas facile de pouvoir exister en Cévennes vu le prix de l'immobilier. Donc c'était des gens qui nous prêtaient ou qui des lieux ou bon. Donc voilà, il y avait ces cassettes Super 8 qui étaient données aux parents. Et en même temps, comme on ne savait pas du tout comment se comportait le gamin chez lui, on était tout à fait à l'aise de le filmer, et à vrai dire, on écartait énormément l'objectif, hein. On ne filmait pas que le gamin, on filmait principalement le lieu, et voilà, le gamin aux prises avec le lieu, et donc, c'est pour ça, et les parents donc, avaient ces cassettes. Et quand Renaud Victor, ça c'était un petit peu avant que Renaud Victor apparaissent dans notre histoire, en quelques mots pour présenter quand même Renaud Victor. Il venait justement de voir le film Le Moindre Geste qui avait été projeté à Cannes dans les projections off. Hein. C'était pas le Cannes officiel, c'était plutôt les projections off. Et il voit ce film, il est tout jeune réalisateur, et il a envie de faire un film, donc il vient voir Deligny, tout simplement. Il a un projet de film... Donc là, on est en 72. Hein. Voilà, dans ces années-là, il a ça en... Il a un projet de film en tête. À vrai dire, je me revois la tête à Deligny, il met les yeux au ciel quant au scénario et à l'histoire qu'il voulait tourner. Donc il se voit régulièrement. Il y a un autre projet de film qui se met en route, une fiction, puis bon, qui est vite abandonné, parce que Renaud Victor se dit « mais qu'est-ce que j'ai à aller chercher ?» Une idée de film, alors qu'il se passe là, dans les alentours de Monoblet, quelque chose de pas ordinaire, quoi. Donc voilà, le projet après se met en route de rendre compte de ce qui se passe dans les différents lieux du réseau. Et Renaud, quand il vient filmer tout au début, il débarque un peu comme un chien dans un jeu de quilles, quoi, parce qu'il a des habitudes ou des réflexes de jeunes réalisateurs où ils commencent à nous dire faudrait se mettre là, faudrait se déplacer là, et la lumière est pas bonne et si est mis, et bon, ce qui est complètement impensable quand on vit proche d'autistes où notre préoccupation permanente était que les choses ne bougent pas trop et que les gamins puissent s'y repérer. Donc très vite, Deligny propose à Renaud Victor de se mettre dans les mêmes conditions que nous. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il était marié, il avait un enfant en bas âge, et il s'installe à Soudorgue, hein, pas loin de Monoblet, et il se met dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire qu'il loue une maison, il y a trois chèvres, et Deligny lui dit que quand, dans quelques mois, le lieu commencera un peu à exister, un peu à être stable, et bien, il y a un gamin qui pourra venir avec vous. Donc, d'un seul coup, Renaud se retrouve des deux côtés, quoi. Il se retrouve derrière la caméra, mais il se retrouve aussi dans les lieux, ce qui lui permet quand même de venir dans les lieux du réseau avec beaucoup plus de précautions, quoi. Et ce travail avec l'outil du film, j'allais pas dire de filmer, puisque Deligny détestait utiliser ce terme, il disait caméré, puisqu'on utilise on utilise l'outil pour faire le verbe, quoi. Il insistait là-dessus, caméré au lieu de filmer. Et ce travail avec le cinéma, ça fait partie d'une réflexion aussi beaucoup plus générale, justement, sur le langage. On a entendu tout à l'heure un extrait où Deligny disait « le langage qui fait ce que nous sommes », etc., « le langage qui nous enferme et qui prémâche nos conceptions, nos manières de percevoir l'autre ». Il disait notamment dans un autre film, qui est dans un... D'ailleurs, on peut l'évoquer, dans un coffret qui est paru aux éditions Montparnasse, à propos d'un film à faire, il y a un dialogue avec Renaud Victor, dans lequel il dit « l'image est autiste ». L'image est autiste, et c'est pour ça que je veux travailler avec l'image. Est-ce que Jacques, Sandra ou Michel, vous voulez évoquer un petit peu cet aspect-là? Mais oui, étant donné qu'il s'est interrogé très, très vite sur le... Sur le langage, enfin c'est compliqué cette histoire de langage. Il avait une position, il a pris une position qui est quasiment intenable, mais qui est un espèce de point de départ de réflexion. Quand il était agacé, quand les gens disaient « les autistes refusent le langage ». Bon, il disait « ben non, ils le refusent pas, ils l'ont pas ». Bon, alors, toute sa réflexion c'est « bon, en l'absence de langage, voilà, qu'en est-il de ceci et cela, et en particulier de l'image ? Bon, comment fonctionne ? Lui, il était extrêmement intéressé, il s'est posé énormément de questions sur ce qui déclenchait, c'est le mot qu'il employait, tel et tel déplacement d'un autiste, telle et telle façon de retourner à un endroit, telle et telle façon, ou tel et tel motif, disons, bien qu'il ne s'interrogeait pas beaucoup sur les causes, mais enfin, de retourner à tel endroit, qu'est-ce qui le faisait aller là, etc. Et donc, il s'est interrogé sur ce qui est de l'ordre de l'image dans la perception autistique. Et à propos de l'image, évidemment, il mettait Renaud, qui en réalité s'appelait Victor Renaud, dans une position difficile, parce qu'il lui disait « une image ne se fait pas, une image ne se prend pas ». Alors, bon, Renaud lui disait « bon, bah ok, bon alors, qu'est-ce que je fais ?» Il arrivait, il a dit « bah non, une image, bah tu la fais pas, tu la prends pas ». Où elle se fait toute seule, où il a fait une analogie qui est presque un tube entre les oies domestiques et les oies sauvages. Il disait aujourd'hui, les images sont comme des oies domestiquées, on les bourre de significations, on les gave, on les charge, on les charge de nourriture trop lourde, etc. Alors qu'au fond, l'image, ça devrait être comme une oie sauvage, c'est-à-dire... quelque chose de libre, quelque chose qui passe, qu'on ne saisit pas, qu'on ne prend pas, qu'on ne fait pas intentionnellement. Voilà. Alors évidemment, ça c'est le fond de l'affaire. Ensuite, évidemment, quand il faut appliquer ça au cinéma, c'est un truc compliqué. Oui, il disait que l'image est là, n'est pas là pour quelque chose. Comme il disait, l'eau n'est pas là pour qu'on la boive. Et l'enfant autiste n'est pas là pour qu'on l'éduque ou pour qu'on lui apprenne à parler ou pour. Et il y a tout un rapport très poétique qui fait sur le rapport entre justement l'image, l'autisme, la question du langage, etc. Michel, comme l'émission va toucher bientôt à sa fin... Il me reste une minute. Il t'en reste cinq. Oh, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Mais écoute, prends le temps qu'il te faut. Donc toi, tu fais partie... Je vais leur en laisser au moins trois. Tu fais partie de l'association Ciné Monoblet. Donc, est-ce que tu pourrais en dire deux mots déjà de vos actions? Oui. Notre association a pour objectif de montrer les films essentiellement que nous aimons. On ne se pose jamais la question de savoir s'il y aura du monde. C'est vraiment pas notre problème. Nous n'avons pas un centime de subvention. C'est un copain qui prête son matériel et la mairie qui nous prête la cantine. de la mairie de Monoblé. Je suis membre du conseil municipal, mais c'est vrai pour toutes les associations. Et nous montrons donc des films que nous aimons, des films méconnus, inconnus, des films de pays dont on ne voit jamais d'image, ou de fort rarement. Et par exemple, récemment, c'est-à-dire il y a récemment, oui, samedi, nous avons montré un film de Chris Marker dont on a parlé, et qui n'est pas pour rien dans tout ça. Et Chris Marker avait écrit le commentaire d'un film qui s'appelle « La spirale », qui est un document de 2h30 sur le coup d'État chilien, vu non pas par Deligny, mais ça pourrait être Deligny, parce que le coup d'État chilien, spontanément, on va se dire, il y a des films très forts là-dessus, c'est comment l'unité populaire s'est plantée, finalement, et comment on est arrivé au désastre, et au coup d'État, et à l'écrasement. Et le coup de force d'Armand Matlard, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en plus il était là, avec les deux monteuses, parce que c'est un film fait essentiellement avec des documents filmés par d'autres, ça a été de mettre en place, au contraire, le décalage à la Deligny, c'est-à-dire prenons le point de vue de la droite, et comment la droite s'y est prise, en s'organisant comme Lénine avait demandé qu'on s'organise, c'est-à-dire ce qu'on appelait la ligne de masse, comment mobiliser les classes sociales. Le film est passionnant. Pas évident complètement, ça dure 2h30, mais les gens ont beaucoup aimé, on a passé une très belle soirée, et évidemment, on ne s'est pas soucié du tout de savoir si la salle serait pleine, mais on était 50. Mais toi tu es au moins aussi fort que Deligny en esquive, hein, parce que tu commets l'exploit quand même dans une émission sur Fernand Deligny de nous parler d'un film chilien qui a l'air passionnant. Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots de la soirée sur Renaud Victor? Il faudrait tout de même qu'il parle de Renaud Victor. Et il reste presque plus d'autres. Je n'ai rien à en dire, je ne l'ai pas connu, et on tenait à montrer ce film, donc aussi parce que on a fait, alors là c'est encore autre chose, c'est-à-dire que je pars à côté, mais on a fait une soirée très importante en s'appuyant sur le cinéma, sur la République espagnole et les traces dans notre village. Et là, eh bien, Deligny, c'est un mot qu'il aimait bien, les traces. Il est évident que l'expérience, la tentative de Deligny, ne serait-ce qu'à travers Jacques qui est avec nous, a laissé des traces vivantes à Monoblé. Et la plupart des gens qui sont, c'est hélas plus le cas de Renaud Victor, ils sont toujours dans le coin, et proches du village, et probablement présents vendredi. Voilà, c'est ça qu'on fait à Ciné Monoblé. Ok, et bien donc on vous redonne toutes les informations. Donc c'est ce vendredi 30 avril à la cantine de Monoblé à 20h. On vous recommande aussi vivement, j'allais le faire, Sandra, d'emprunter à la bibliothèque ou bien de vous priver de quelques bières pour acheter les œuvres presque complètes de Fernand Deligny qui sont parues aux éditions de l'Arachnéen en 2007. Il y a eu également aux éditions de l'Arachnéen l'Arachnéen, tout simplement. Et autres textes, qui est paru un peu plus tard. Il y a également aux éditions Le Mot et le Reste, Essie et Copo, qui sont des aphorismes pour parler rapidement de la dernière période de Deligny. Il y a également un bouquin de Jacqueline que vous avez entendu aujourd'hui qui s'appelle « La vie de Radeau » sur toute cette tentative du Monoblé. Il y a également donc, le coffret DVD des films presque complets de Fernand Deligny aux éditions du Montparnasse. Michel ? Oui, il faut rajouter qu'on ouvrira la séance avec Bernard Melien et deux de ses amis comédiens qui diront des textes de Deligny pour un travail en cours avant la projection du film. Voilà, l'émission sera rediffusée vendredi à 15h. Ciao. De l'eau dans la maison, il n'y en a pas. C'est ce gamin-là qui l'apporte, qui nous l'apporte. Ce nous-là, je le rajoute. Ça nous fait cet effet-là, qu'il nous l'apporte, l'eau. Inlassablement. L'eau. L'eau portée de la fontaine à l'évier de pierre. Inlassablement, c'est peu dire. Il y avait comme de l'enthousiasme dans l'effort de la porter, cette eau. Et pourquoi pas? Les jours étaient semblables, et tout piqueté d'éclats de joie. La joie, ça éclate. Il en retombait des morceaux partout, entre nous, à tout moment. qu'aucun animal n'écoute comme ça. Pour rien. Le bruit qui vient du plus profond de l'eau, qui n'est pas une chose, puisque lui n'est pas quelqu'un. C'était une émission réalisée sur Radio Escapade, une radio associative non commerciale dans les Cévennes, que vous pouvez découvrir en allant directement à Saint-Hippolyte-du-Fort, ou bien, mais c'est plus banal, en tapant www.radioescapade, escapade au pluriel, .org. Si vous êtes marseillais et insomniaque, vous pouvez vous caler à 1h du matin ce samedi pour réentendre cette émission sur le 88.4. Si vous êtes parigot et matinal, vous vous calez sur le 106.3 à 10h mercredi prochain. Et puis si vous n'êtes ni parigot, ni marseillais, ni matinal, ni insomniaque, vous allez sur www.intempestive.net où vous retrouverez cette émission ainsi qu'une présentation plus complète. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.